Je n'ai que faire de vos instincts, je n'ai que faire de vos pulsions. Castration, castration. Pour je n'ai qu'une sentence, garder toute votre semence. Castration, castration. Je n'ai que faire de vos instincts, je n'ai que faire de vos pulsions. Castration, castration. S'il faut que je me foute à poil pour attirer ton attention, moi je préfère porter le voile que jouer. Si jamais tu veux m'épouser, alors là c'est encore pire. Tu ne pourras même plus m'approcher. Finalement j'aime mieux les satires. Pour vous je n'ai qu'une sentence, garder toute votre semence. Castration, castration. Je n'ai que faire de vos instincts, je n'ai que faire de vos pétions. Castration, castration. Pour vous je n'ai qu'une sentence, garder toute votre semence. Castration, castration. Castration, castration.